lundi 23 avril. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Voici l'essentiel de cette édition. Une vingtaine de Burundaises ont été arrêtées la semaine passée dans la capitale kényane en direction vers des pays arabes. L'organisation ONLCT Où est ton frère demande la coopération entre la police burundaise et kényane pour leur rapatriement. Vous l'entendrez en début de ce journal. Plus de 70 maisons ont été détruites ce dimanche soir suite aux fortes pluies dans le quartier Buterere et commune Gihanga. Plus de 150 autres inondés à Buterere et à Charama. Les Burundais sont appelés à respecter les droits humains, surtout en cette période préélectorale. L'appel est de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs que vous entendrez également dans ce journal. À la fin du journal, vous aurez droit à l'actualité sportive comme tous les lundis. Le journal est mis en onde par François Kimana. À la présentation, Mireille Kanyang est bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, parlons droits de l'homme pour débuter ce journal. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, en sigle, indique que 25 filles burundaises ont été arrêtées à Nairobi par la police kényane le 20 avril de cette année à destination des pays arabes. Dans une conférence de presse de ce lundi, le représentant légal de cet observatoire dit qu'il y a des maisons closes où ces filles sont enfermées avant leur trafic. Prime Mbarubukeye demande à la police burundaise de coopérer avec la police kényane sur les modalités de rapatriement de ces filles burundaises. Suivez. À l'occasion de la découverte et de l'arrestation dans une maison close de Westland à Nairobi au Kenya de 25 filles burundaises à destination du Moyen-Orient vendredi le 20 avril 2018. La police kényane a découvert une maison close située à Westland à Nairobi au Kenya dans laquelle se trouvaient cachées 25 filles burundaises. Les 25 filles burundaises avaient été appréhendées aux côtés de deux personnes qui étaient en train de les organiser pour les trafiquer à destination du Moyen-Orient. Or, dans le but de mettre en œuvre les recommandations issues de la conférence de Nairobi de juillet 2017 dont la coalition, l'ONLCT Où est ton frère a officiellement lancé en janvier 2018 la campagne baptisée Simamisha 2. Grâce à cette campagne, l'ONLCT Où est ton frère est en train de recueillir chaque jour des informations faisant état de l'existence des maisons closes éparpillées dans certains quartiers de la capitale de Bujumbura ainsi que dans d'autres centres urbains de l'intérieur du pays, surtout les centres de pêche du littoral du lac Tanganyika qui constituent vraiment les plaques tournantes de la prostitution et du trafic des êtres humains à destination des pays arabes. Ce que nous sommes en train de plaider pour ces 25 filles burundaises qui ont été attrapées à Westland à Nairobi sur le chemin du trafic vers les pays du Moyen-Orient. Ce que nous demanderions à l'Interpol burundaise de se mettre en contact avec l'Interpol kenyan afin justement de négocier le rapatriement de ces 25 victimes burundaises qui sont tombées entre les mains de la police kenyane. Maître Prime Mbarubukeye, c'est le président de l'organisation ONLCT Où est ton frère, dont les propos ont été recueillis par Moïse Misagwe. Joint au téléphone l'ambassadeur du Burundi au Kenya, Rémi Baramama, promet de réagir dans nos éditions ultérieures. Je vous l'annonçais en titre. La Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs invite les Burundais au respect des droits humains, surtout en cette période préélectorale. Le secrétaire général de cette commission l'a dit après un atelier d'échange et de réflexion pour les intellectuels organisé ce dimanche autour de la culture de paix et la réconciliation. Abbé Salvatore Nichiteretse demande également aux chrétiens d'éviter la résolution des conflits par voie violente parce que, explique-t-il, c'est une voie sans issue. Je vous propose de le suivre au micro d'Elini Bell. Depuis 2004, l'Église catholique a un projet de culture de paix et de réconciliation. Concrètement, aujourd'hui, nous avions organisé une journée de réflexion et des échanges avec les intellectuels catholiques autour de ce thème de la non-violence active, en même temps sur la dimension politique de la réconciliation. Par expérience, chaque fois qu'il y a des élections au Burundi, très souvent, il y a eu la suite des violences ou bien un climat de peur, de suspicion entre les Burundais. Nous l'avons organiser une telle journée de réflexion pour que, en tant que chrétiens, nous puissions avoir des attitudes du respect de la vie de l'autre, parce que la vie est sacrée. Le respect de la dignité de la personne humaine. Nous avons parlé de la réconciliation à tout moment. Les gens, quand ils ont des conflits entre eux, ils ont besoin de se réconcilier chaque fois. Quels sont les obstacles que vous voyez qui peuvent bloquer vos enseignements de culture, de paix et la réconciliation? Les défis que nous voyons concernant la paix et la réconciliation, très souvent c'est que nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais réellement nous n'avons pas une communion avec Dieu en profondeur. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes de véritables chrétiens alors que nous commettons des injustices, alors que nous commettons de la violence, alors que nous profanons la vie humaine. Le premier défi, et qui est le défi fondamental à mon humble avis, c'est que nous ne respectons pas Dieu. Si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, il est aussi difficile de respecter la vie de l'autre et aussi de respecter ses biens. Un autre défi, c'est le défi de l'exclusion de l'autre, surtout pour les politiciens. Quand il y a de l'exclusion, bonjour les dégâts, il y a l'exclusion. Nous vivons vraiment depuis plusieurs années cette exclusion. Quel est l'appel que vous lancez au Burundi, surtout en cette période préélectorale? Moi, l'appel que je peux lancer, c'est le respect de l'autre. Dans sa différence, ou bien dans ses positions politiques, il faut respecter l'autre. Les événements politiques arrivent et se terminent, mais la vie va continuer. L'autre chose, surtout aux chrétiens, c'est d'être lumière et refuser ce qui détruit le bien commun. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons élevage à présent en province Muyinga, où environ 116 000 petits ruminants ont déjà été vaccinés contre la peste. Deux semaines après le lancement de la campagne de vaccination, les responsables de la santé animale à Muyinga saluent l'implication des éleveurs. Les effectifs d'animaux vaccinés sont au-delà des prévisions, nous rapporte Dieudonné Nzeiman. Au total, 115 825 chèvres et moutons ont été déjà vaccinés contre la peste des petits ruminants à Muyinga. Des semaines après le lancement de la campagne de vaccination, c'est la satisfaction totale auprès des services de santé animale à la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage. Les effectifs d'animaux vaccinés dépassent de loin les prévisions. Les agents de la santé animale ont déjà fait le tour de 131 collines sur les 230 qui comptent la province. On s'attendait à 136 400 têtes à vacciner, mais alors que reste une centaine de collines à vacciner, le taux de vaccination atteint aussi autour de 85%. La mobilisation continue pour le reste des collines. Certains éleveurs affirment que si parfois ils déclaraient moins par rapport aux ruminants domestiqués, c'est lié à la crainte d'une probable taxation, tel que c'est le cas pour les vaches de Muyinga. Je donne Nzeimana pour la radio Isanganiro. Revenons à mairie de Bujumbura pour parler de cette plante ressemblant aux ignames et qui pousse au bord de la rivière Amoura, au quartier Kabondo, en commune urbaine de Moura. Cette plante a déjà emporté la vie de 4 personnes de la zone Mouyira de la province Bujumbura après dégustation. Selon les informations données par un voisin où cette plante se trouve et qui affirme que les victimes ont cueilli les fruits de cette plante, c'est la première fois qu'ils voient cette plante, comme il l'a confié à Lida. Cette plante qui ressemble aux ignames, nous l'avons trouvée au bord de la rivière Moura en zone Kabondo. Cette plante pousse à ras du sol et en hauteur sous les troncs d'arbres. Un des frères de celui qui a succombé suite à la consommation de cette plante dit qu'il y a eu confusion avec les ignames. Les ignames sont plus allongés comme les maniocs, alors que cette plante est un peu circulaire. On peut facilement se tromper, mais il faut bien analyser les feuilles pour voir la différence. Celles des ignames sont plus petites, alors que celles de cette plante sont grandes. La personne qui a mangé cette plante l'avait bien entretenue en pensant que c'était des ignames et c'était sa première récolte. Un voisin de l'endroit où pousse cette plante, indique que c'était pour la première fois qu'il la voyait. Ils sont venus me demander de leur prêter une ihogue. Et par après, ils sont revenus avec un sac rempli de ces tubercules. On ne connaissait pas ce qu'ils avaient récolté. C'était la première fois qu'on voyait ces tubercules. Et d'ailleurs, ce sont les premières personnes à partir avec ces plantes. Cette plante qui ressemble aux ignames a déjà fait 4 morts. De 2 familles de la zone Mouira, 3 personnes sont encore sous traitement et 1 est déjà guérie. Alida Ndaïkeza, parlons à présent. Inondations, 180 maisons ont été inondées, 7 détruites suite aux pluies diluviennes de ce dimanche soir. En zone Boutelele, les hangars de stockage de riz situés sur la route Bujumbura-Chibitoke ont également été inondés. Les vendeuses de riz disent avoir enregistré des pertes énormes et les habitants de Boutelele demandent d'être assistés au bain Nyonguru. Ce sont les habitants du quartier Boutelele 2B à la 4e avenue. Ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. Leurs ustensiles de cuisine, les matelas, les nattes ayant été emportés par les eaux qui descendent des quartiers Charama et Chibitoke. Le matin de ce lundi, ils essayaient de sécher ce qui leur reste. La désolation est totale. Même situation sur la route Bujumbura-Chibitoke où des hangars de stockage du riz ont été inondés. Des tonnes de riz sont parties selon ces commerçantes. Les habitants des cellules 1 et 3 à Buterere rejettent le tort au gouvernement. Ils disent que le gouvernement n'a pas pensé à une bonne canalisation de cette eau. Le chef de ce quartier, Masumbuko Amadi, demande une assistance pour cette population. Toujours à Buterere, la population demande aussi certaines organisations de venir pulvériser certains endroits à cause des saletés qui peuvent leur causer des maladies démentielles. Au Bénin, nous parlons toujours de ces fortes pluies. 65 maisons ont été détruites, beaucoup de champs de culture inondés par les rivières Manda et Kajeke qui ont largement débordé, les poteaux électriques tombés. C'est un bilan provisoire des pluies, de ces pluies qui sont tombées sur la commune Gihanga de la province Bubanza. Aussi, une partie du cimetière de Manda du côté droit vers Chibitoke est submergée. L'administrateur de la commune Gihanga explique qu'il a déjà averti l'entreprise Jetra en train de réhabiliter la route nationale numéro 5 pour qu'elle puisse évacuer cette eau dans le but de protéger ces tombes quittant la province Bubanza. En page sécurité pour aller en province Chibitoke, province voisine, où 5 personnes sont mortes, 9 autres blessées suite à un accident de roulage de ce dimanche soir à la 4e avenue de Gasenyi, en commune Buganda de cette province de Chibitoke. Emmanuel Bigirimana, administrateur communal ainsi que le responsable de la police dans cette commune font savoir que c'est suite à un excès de vitesse. Parlons sport à présent. 4 équipes qualifiées pour les demi-finales du championnat de la CECAFA des moins de 17 ans qui se joue pour la première fois au Burundi sont déjà connues. La 4e équipe qui est Serengeti Boys de la Tanzanie a été connue ce dimanche après avoir corrigé le Soudan sur un score de 6-0. Le championnat de basketball, quant à lui, a continué à sa 2e journée au cours du week-end écoulé. Les équipes Dynamo, côté masculin, et Berkostar et les Gazelles, côté féminin, se sont démarquées en marquant beaucoup plus de points. Les détails avec Namia Daikez. Le championnat de la CECAFA des moins de 17 ans qui se déroule dans notre pays depuis le 14 avril a continué fin de ce week-end où 4 équipes qui vont jouer la demi-finale ont été qualifiées. Vendredi, au stade Ingoma de Gitega, malgré la victoire d'un 1-0 d'Intamba Murugamba face à l'équipe éthiopienne, les 2 équipes n'ont pas eu l'accès de continuer ce championnat car elles n'ont pas pu marquer les buts exigés pour continuer ce championnat. Ce dimanche, l'équipe nationale de la Tanzanie Serengeti Boys s'est qualifié en demi-finale après avoir éliminé l'équipe soudanaise sur un score de 6-0. Les matchs de demi-finale sont programmés ce mercredi au stade Umucho de Moyinga. L'équipe nationale de la Tanzanie Serengeti Boys croisera le fer avec le Kenya. De l'autre côté, au centre du pays, à Gitega, au stade Ingoma, l'équipe nationale de l'Ouganda va affronter l'équipe de la Somalie. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end, c'est le championnat de basketball qui a continué dans sa deuxième journée. Samedi, deux matchs ont été joués du côté garçon. Ambassadors a battu les amis sur un score de 50 à 48 points, tandis que l'équipe Touzé a battu Ushaka sur un score de 69 à 35. Ce dimanche, le championnat a continué où l'équipe Motanga United a été battue par l'équipe Dynamo sur un score de 93 à 38. Côté filles, l'équipe Barcosta a corrigé l'équipe Aigle Noir sur un score de 103 à 34. L'équipe Rumuri s'est inclinée 122 sur 25 devant l'équipe Les Gazelles. Bruce Naidi Guillet de l'équipe Ulunani et Ghislaine Gakima de l'équipe Barcosta ont été choisis comme meilleurs joueurs de la semaine. Namia Ndaikeza, stagiaire à notre station. Reparlons encore une fois de ces fortes pluies qui sont tombées ce dimanche soir et qui ont causé des dégâts matériels au quartier Charama, en zone urbaine de Kinama, au nord de la capitale Bujumbura, là où nos reporters se sont rendus le matin de ce lundi. Les habitants expliquent que leurs maisons sont inondées suite aux travaux de stabilisation de la rivière Gasenyi. Charles Makoto y a été pour nous. Les habitations et les bistrons se trouvent sur la route dite M-Forest qui sépare le quartier Charama et le quartier Kanga. Nous sommes en commune urbaine d'Onharangwa dans la zone d'Okinama. Était en train d'être nettoyé ce matin vers 11h où les propriétaires essayaient de sortir l'eau mêlée de la boue charriée dans ces maisons par le débordement des caniveaux. Émus, les propriétaires qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros indiquent n'avoir plus rien à dire. Nous avons crié il y a longtemps, rien n'a été fait. Nous sommes laissés pour compte, disent-elles. Misero Melchior, chef de quartier Kanga, partage la douleur de sa population et fait savoir que les inondations dont font face ces ménages sont la conséquence directe des travaux d'aménagement des rivières et des caniveaux qui sont effectués en amont des quartiers Charama et Kanga sans tenir compte des conséquences de ces travaux en aval de ces rivières. Il demande que les responsables de ces travaux puissent effectuer des descentes pour se rendre compte des effets produits par ces chantiers afin d'y remédier avant qu'il ne soit trop tard. La route qui passe par le marché d'Okinama vers le quartier Charama ne passe plus qu'à plein de la boue et des eaux stagnantes. Y traverser relève de l'exploit pour les piétons. Ces derniers, comme les autorités locales, demandent la prise en compte des méfaits de ces inondations pour que des travaux d'urgence y soient effectués. Ils font savoir qu'à côté des pertes matérielles, que ces inondations ont déjà provoqué la perte des vies humaines. La semaine dernière, dit-elle, les inondations ont fait 3 victimes, toutes des enfants, des informations qui ont été par la suite confirmées par la police. Rendons-nous cette fois-ci en province Rumonge, où la trésorière du Forum des femmes de la coalition Amizero Barundi dans cette province de Rumonge a été malmenée par un groupe présumé de jeunes Imbonerakure pendant plus de 4 heures et qui l'ont trouvée chez elle la nuit de ce dimanche. Le député de cette coalition à Rumonge, qui s'est vu refuser de l'assister ce lundi matin, parle d'un mauvais précédent électoral qui doit être corrigé dans l'immédiat. Le responsable de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD en commune Rumonge nie toute implication des Imbonerakure dans ce genre de crime. Une information que nous devons à notre correspondant au sud du Burundi, Jean-Pierre Misago. Et voilà, 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Une vingtaine de Burundaises ont été arrêtées la semaine passée dans la capitale kényane en direction vers les pays arabes. L'organisation ONLCT, où est ton frère, demande la coopération entre la police burundaise et kényane pour leur rapatriement. Et plus de 70 maisons ont été détruites ce dimanche soir suite aux fortes pluies dans le quartier Buterere, commune Gihanga. Plus de 150 maisons inondées à Buterere, à Charama. Vous avez entendu les faits dans ce journal. Et les Burundais sont appelés à respecter les droits humains, surtout en cette période préélectorale. L'appel est de la commission épiscopale des évêques catholiques du Burundi. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à François Akimana qui assure la mise en onde jeudi. Merci, un très bon après-midi à tous et à tous, au revoir.